Ouais ouais, je nage dans le bidet pour du buzz, tu suces des bides. J'ai pas peur, tu peux même ramener ta clique. Au quartier, je fais le mec gentil, je joue le vice, ouais, je fais le poli. Devant les villas, ça crie, ouais, c'est moi qui volais les riches. J'ai peur du bon Dieu, faut que je me calme, c'est le mieux. Dans le rap, parlons peu, ouais, si MC, je dormais le feu. J'étais mauvais à l'école, y'avait personne pour m'épauler. J'ai esquivé la tôle, ouais, tous mes potes sont bien rentrés. Fatal, le soir, je vois des visions. Pour des sous, ça part en mission. Comme criolage, on a fait le con. Pour m'évader, ouais, j'ai fait du sang. Les blèmes, nous les esquivons. Marque de vie, faut que je fasse le pan. Bordel de merde, j'y me manque le temps. Je vais le manger, ouais, c'est moi le monstre. Hypercute, ma Tyson. Moi, Tony, j'ai peur de personne. Faut que je nique tout avant que mon heure sonne. Ce pas moi, je le mets dans les pommes. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Fatigué, t'en fais toujours des tonnes. Ma guérie, ouais, dans les codes. Fais gaffe à tes potes. C'est la plus moche qui me fait la star. J'suis contre le gouvernement. Avec les femmes, je fais le bâtard. Je leur fais pas confiance. Beaucoup de méfiance, Tony va s'épareiller, patience. Le rap une science, où je dis ce que je pense. La poisson sèche la tape, le chétan faut qu'il m'attrape. Un manque d'amour, un manque de sous, ouais c'est la cata. J'aime papa, j'adore maman. Mes frères je tue pour eux, bordel de merde, qu'est-ce tu crois. Et le cœur ment jamais, le rap va-t-il me combler. Cette salope m'a trompé, j'aurais dû la niquer. J'suis pété tous les soirs, j'confonds le soir la journée. Ça m'a mis dans l'histoire, j'ai rien vu arriver. Gros, j'porte mes couilles tout seul comme un homme. Il tue pour des douilles alors qu'il graille des pommes. Faut que je les saute, faut que je les saute. Il marche en équipe, il a besoin de ses potes. Quand le sage monte à lune, l'abruti regarde-toi. Les problèmes je les fuis, je regarde le ciel, je crois en toi. Les humains au centre, tu de ma fenêtre, j'entends vos voix. À Marseille t'as des bons, dans le 14e ils font la loi. Y'a le ciel qui pleure, des gouttes qui tombent. Je craque de l'intérieur, ce monde m'a fait sombre. Tu sais que l'état nous ment, ils veulent tous qu'on se pend. Que la jeunesse se noie dans le temps, qu'on les pourrisse gentiment. Je ne suis pas mort, j'ai arrêté de vivre. Il m'a mis d'accord, depuis ce temps je me mets ivre. J'ai pas fini le livre, le succès faut que je le suive. Faut qu'elle baisse, je le prends pour cible. Ouais, 2017, Bob, Onista, Jim T. Ouais, on va passer au DJ. Écoute, ça c'est pour Soufiane, Medji, Yanis, Dunia, Fredo, Myriam, Jamel, Dunia, Daniel, Ryan, Bilal, Samir, Fares, Nadji, Jaco, Lola, Thibaut, Romain, Asfan, TJ, Ezo, Ayoub, Nasser, Kenny, Farid, Kimi, Sarah, Nina, Dylan, Fabien, Ami, Jima, Del Rey, Margot, CC, Ilem, Nissa, Nina, Baka, Wael, Nathan, Keke, Adam, Oa, Mathieu, La Russe, Fanny, Assad.